الدرس الخامس طيب لا لوسون 5 chacun lit une persona تفضل يا وهبي à voix haute pour que tout le monde profite تفضل يا allez-y les frères inquiète laisse-le il va trouver une chambre également ce serait bien avant de commencer les cours lisez les textes hein plus tu lis les textes et mieux c'est. Une fois j'ai entendu Cheikh Mourbe Rahimallah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si vous préparez les doros, Inch'Allah vous serez plus savant que moi. Regardez la modestie qu'il avait. Cheikh Rahimallah, il a dit si vous préparez les doros, vous serez plus savant que moi. Et c'est vrai, celui que tu vois qui prépare ses leçons, quand le Cheikh y parle, c'est juste quoi? Une révision. Après quand il rentre, il révise. Ça fait quoi? C'est trois fois qu'il a lu le texte. Vous avez compris? Et moi, le frère qui me faisait cours, Zallah Khair Abu Sam al-Jazairi, il me demandait au minimum, lis-moi 10 fois le texte. Et même si tu n'apprends pas le mot, à force de lire, il rentre dans la tête. Et certains savants, ils n'écrivent pas les hadiths. À force de les écrire, je veux dire, ils ne les apprennent pas. C'est à force de l'écrire, ils rentrent dans la tête. Et il y a une tariqa comme ça, au Maroc ou en Mauritanie, ils écrivent les versets. 100 fois, 40 fois, 400 fois. Il n'apprend pas, mais le fait de l'écrire, ça y est, à un moment donné, imaginez-vous par exemple, 400 fois t'écris Qul Wallahu Ahad. Tu peux l'oublier un moment? Ça y est, c'est-à-dire que t'as pas voulu l'apprendre, mais à force de l'écrire, ça y est. C'est visuel et après c'est mémoire. Alors essayez avant de venir, Inch'Allah, au minimum lisez les textes, comme ça au moins on gagne du temps. T'as vu, Inch'Allah? Fadal ya Wahabi. Kitabu Muhammadin hada yasiru. Ya yasiru. Ya yasiru. Très bien. Faut pas confondre. Le ya ici, c'est le ya al-nida. Et Yasiru, c'est le Ya du prénom. Ya, Yasiru. Au suivant. La, Hada, Kitabu, Hamidin. Très bien. Aïna. Aïna, Kalbu, Muhammadou. Regarde bien. Aïna, Kalbu. C'est pas Kalbu. Aïna, Kitabu. Aïna, Kitabu. Muhammadin. Muhammadin. Muhammadin. نعم هو على المكتب هناك خيب بيان هو على المكتب هناك أين دفتر عمار خيب بيان أين دفتر عمار خيب بيان هو على مكتب المدرس مش فاهم ريبيت اباوت ريبيت سي بلي اباوت كلامو قلمو نعم با مين من يا يعلو سيكو نسل يا c'est lui qui était marié avec la fille du prophète Hassan Fatima comment il s'appelait Ali tu vois regarde bien Ali طيب قلم من هذا يا علي c'est possible de dire Mohammed قلم من مين hein c'était possible regarde bien قلم من هذا يا علي nous on demande après quoi ici après une personne ou on demande un début d'action après une personne et on avait étudié quoi que man c'est qui c'est pour les aql et min c'est quoi le début d'une action min aina kharajta vous avez compris تفضل يا محمد هذا قلم مدرس المدرس المدرس très bien هذا قلم المدرس on verra inshallah qu'il y a une différence entre dire هذا قلم المدرس هذا قلم مدرس. Vous me suivez là? C'est pour ça que je rattrape le frère. هذا قلم المدرس. هذا قلم مدرس. Le premier c'est quoi? C'est le stylo du professeur. Vous me suivez là? C'est comme si là il y a le stylo. En plus j'ai un stylo, je sais pas il a qui. Il a qui ce stylo? Voilà, femme de la 700, ça tombe bien. طيب. هذا قلم. Par exemple, on dit quoi? المدرس. Est-ce que ce stylo il est inconnu ou il est connu Mohamed? Al-Mudarrisi. Ma'rifa. Mais si j'aurais dit Hada Qalamu Mudarrisin, on sait que c'est quoi? C'est un stylo d'un professeur. Mais lequel? Allah Alam. Vous avez compris ça? C'est bien compris ça, Inch'Allah? Et on va, Inch'Allah, s'il y a un peu de temps, si je vois que c'est pas difficile pour que vous compreniez, je vous l'expliquerai. Les deux sont Ma'rifa, mais il y en a un qui est plus fort que l'autre. Pourquoi il a la même dernière? Je qu'il n'y a pas le On va l'étudier aujourd'hui, ça. C'est ça la leçon d'aujourd'hui. Al-Mudaf ou Al-Mudafil. Taïb, Fadala. Répète, Mohamed, Idan, Abaout, Hada. Hada, Kalamou, Al-Mudarrisi. Très bien. Aïna, Hakibatou, Al-Mudarrisi. Al-Mudarrisi. Hakibatou, Al-Mudarrisi. Aïna, Hakibatou, Al-Mudarrisi. Très bien. Hiya, Tahta. Hiya, Tahta, Al-Kitabi. Regarde bien. Est-ce que c'est possible qu'un Al-Maktabi, voilà. Hein? Il y a des mots pas compris là, je les traduis. Al-Haqiba, l'avant-dernier mot, c'est quoi? C'est un cartable. Hein? Cartable. Haqibatun. Oui. Tahta, le dernier mot là, ça veut dire en dessous. Voilà. Il y a au-dessus et en dessous. C'est comme si vous me demandez Aïn al-Qalamu. Je vous dis Al-Qalamu taht al-Kitab. En dessous. Vous voyez? Comme il vous l'a dessiné là, regardez. On a demandé il est où le cartable? Voilà. Il est en dessous de la table. Tout le monde a compris là? Le texte? Tournez la page. Et prenez le petit tableau là. Tournez la page. Encore. Voilà, là-bas, en bas. Hein? Regardez, là, c'est la dernière page de la leçon 5. Il y a quoi comme exemple? Si Yaratu al-Mudarrisi. Tout le monde y est? Avant de commencer, tout le monde y est, Inch'Allah. C'est là. Le tableau, j'ai dit. Taïb, bismillah, siyaratu al-mudarrisi. Taïb, le dars d'aujourd'hui, c'est quoi? Al-mudaf ou al-mudafili. Taïb, en français, c'est quoi? C'est à peu près l'annexion. C'est annexer une chose à une autre chose. Me fond? C'est comme si tu. C'est joindre une chose. Taïb? Et grâce à Allah, qad akhadna madha al-huruf al-jar. On a étudié quoi? Al-huruf al-jar, c'était quoi? Une des causes qui permettait quoi? Que le mot d'après, il aura quoi? Une kasra. Tout le monde se souvient de ça. Hada, par exemple, tu disais quoi? Zaydoun dakhala fil masjidi. Hein? Tout le monde se souvient de ça. Dakhala Zaydoun fil masjidi. La cause du kasra ici, c'était quoi? Le harf al-jar. Aujourd'hui, le nouveau dar, c'est quoi? C'est qu'on va voir également qu'on peut trouver une kasra sans la cause du harf al-jar. Ce sera quoi la cause? Al-mudaf. Vous avez bien compris? Regardez bien. Si vous voulez, vous pouvez rajouter à côté, vous mettez Hadi Siyaratu al-Mudarrisi. Pour que ça fasse quoi? Une phrase complète sur votre tableau. Écrivez ici Hadi. Juste Hadi. Ça unif avec un D. Hadi. Non, Hadi. C'est écrit à côté là. Hadi, lui ton dos. Hadi. Hadal wa. Non. Comme ça. Taïb? هذه سيارة المدرس. Tout le monde y est là? Quelqu'un lui aurait pu dire quoi? Al mudarrisi. Il n'y a pas de harf al-jar. C'est vrai ou non? Pourquoi il y a une kasra? C'est à cause de quoi? Du mudaf. Al mudaf qui est quoi? Regardez, il vous a mis une flèche. C'est pour ça que moi j'ai voulu que vous preniez directement le tableau. Comme ça tout est écrit. C'est-à-dire vous, si vous voulez, vous mettez quoi? La cause du kasra ici, c'est quoi? C'est al mudaf. Tout le monde a compris, Inch'Allah? Il a un stylo, sa mère. Sinon, regardez, laissez, regardez. Concentrez-vous et moi, après, à la fin, je vais vous l'écrire. Taïb, regardez bien. La kasra ici, al-mudar ici, quelle est la cause de ça? Al-mudaf. Vous avez bien compris là? Ça veut dire, grâce à Allah, maintenant, vous savez quoi? Deux choses. Pour trouver un mot qui sera majrour, imma harf jar ou imma mada al-mudaf. C'est bien compris? Maintenant, le mudaf, il a un sens. Le sens en français, le plus souvent, c'est quoi? C'est comme s'il y avait un lam. Vous avez compris? Comme s'il y avait un lam qui était sous-entendu. At-tardir. At-tardir, c'est comme ça. Tu diras quoi, par exemple? Hadi siyaratu lil mudarrisi. Vous avez compris? Ma'ana, at-tardir. C'est comme si c'était un sous-entendu. Ça, c'est le plus souvent. Vous avez bien compris ça? Le plus souvent, c'est quoi? Il y a un sous-entendu. هذه السيارة للمدرس. Car vous verrez plus tard, inshallah, dans les plus grands livres, il y aura un sens de mine et de fille. Par exemple, si je vous dis هذا باب, par exemple, خشبين. Vous me suivez? El khashab, c'est quoi el khashab? C'est le bois. Est-ce qu'on va dire par exemple هذا باب لخشبين? Est-ce que la porte elle appartient au bois? Ou elle est faite à partir du bois? Vous comprenez là? C'est pour ça que je vous ai dit quoi? En général, le sens, c'est quoi? Il a un sens de deux. De peur que l'un de vous, grâce à Allah, il a compris, il serait tombé sur cet exemple-là, il m'aurait dit, mais Abdelrahman, ton exemple d'avant, par exemple, هذا كتاب زيد, c'est vrai, il a le sens de, c'est le livre de Zayd. Mais si, par exemple, j'aurais dit, هذا باب خشب, ou هذا باب حديد, il n'y a pas le sens, par exemple, c'est la porte du fer. Vous avez bien compris? C'est la porte en quoi? En fer. C'est-à-dire que la porte, elle est faite quoi? À base de fer. C'est pour ça que là, il y a un sous-entendu de quoi? Mine. Mine hadid. Tu as compris ça, Iman? Pas trop compris? Je vais répéter, Inch'Allah. C'est pas général, en fait. Le sens de... La porte, elle est faite avec du bois, et l'autre avec du fer, il y a quand même mine. Ah, voilà. On ne peut pas dire El Babali. El Bab... Si. Non, moi, ce que je veux, les deux exemples, ils sont bons. Mais moi, c'était par rapport au premier. Si je vous dis, par exemple, هذا قلم زيدين. Vous me suivez? هذا دفتر وهبين. طيب. هذه حقيبة محمدين. Tout ce que je viens de dire là, qu'est-ce qu'il y a comme sous-entendu? Il y a une appartenance. C'est vrai ou non? Le cahier de Wahbi. Le stylo de, j'ai dit qui? Par exemple, le cartable de Mohammed. Tout le monde comprend là? Et le taqdir, c'est quoi? Hada daftaru li wahbi. Hadi haqibatu li muhammadin. Mais si, pourquoi je vous ai dit en général? De peur que vous compreniez que c'est une règle sans arrêt. C'est pour ça que je vous ai donné quoi? Un exemple de quoi par exemple? Hada bab hadidin. Toi, tu vas me dire, attends, si j'applique l'exemple de Kitab ou Zaydin, est-ce que ça veut dire Hada bab li hadidin? Ça se dit ça? La porte du fer? Ou la porte en fer? Vous avez compris là maintenant? C'est pour ça que je dis ça, c'est quoi? C'est pour que ça va vous aider à comprendre et à trouver un modaf modafiné. Parce que parmi certains frères, de temps en temps, ils ont la difficulté de trouver le sens d'un modafiné. Alors je leur dis quoi? Si toi tu veux savoir si c'est modaf modafiné, dans ta tête, dis-toi quoi? Le livre de Zayd. Vous suivez? Le stylo de Mohammed. La voiture du professeur. Et ça va te permettre de comprendre quoi? C'est un modaf modafiné. Abdelkarim, c'est compris? Non, c'est la possession. Toi, tu mets le taqdir. C'est un sous-entendu. Il n'est pas présent. Il ne faut pas l'écrire, ça. Moi, je vous ai dit ça pour vous permettre de trouver facilement un modaf modafiné. Taïb, moi, je vais lire quelque chose. Là, par exemple, si je vous dis... Hada Walad par exemple Saber, ça veut dire quoi? C'est l'enfant de Saber. Vous avez compris? Hada Waladu li Sabirin. Vous avez compris? Hada Daftaru li Mahdi. Si je fais apparaître le lame, mais sinon je dis quoi? Hada Daftaru Mahdi. Abdelhakim? Comment? Bah laisse le lit alors. T'as compris le modaf modafilé? Voilà, alhamdoulilah. Très bien. Donne-moi un exemple modaf modafilé. Taïb, Kitabu Muhammadin. Qu'est-ce que t'as compris dans ça? Kitabu, c'est le livre de. Taïb, qu'est-ce que ça veut dire le livre de Muhammad? La possession. Taïb, et le lem, c'est comme si tu disais quoi? Kitabu li Muhammadin. Deux. Et ça, on va l'étudier, Inch'Allah. Taïb, Inch'Allah, tout le monde a compris? Quand tu dis Alhamdulillah, les louanges à Allah. Mais Fumhala, le lame ici. Mais là, il apparaît. C'est compris ça? T'as compris? Bien? Non, ça laisse. Mais Kitab ou Zaydin, Daftar ou Muhammadin, Siyarat ou Al-Mudarrisi. Non. Mohamed, c'est compris ? Bien ou... Hein ? Non, vas-y, s'il y a quelque chose, il n'y a pas de mal. C'est bon, bien, bien ? Ouais. Juste une vitrine aussi. Non, il n'y a pas de mal, vas-y, à voix haute, pour tout le monde. Exemple, par exemple, quand tu dis Kitabu Mohammedin. Non. Ça, en fait, c'est l'exemple que tu as donné par rapport au lit. Par exemple, Kitabu Li Mohammedin. C'est l'exemple, en fait. C'est l'appartenance de deux sens. Moi, j'ai voulu vous aider quoi ? Comment vous allez trouver un modaf, modafilé ? Concentrez-vous bien, les frères. Taïb, toi, tu es en train de lire, par exemple, هذا كتاب محمد هذه حقيبة زيدين. Toi, en tant que débutant, المضاف المضاف إليه, c'est un peu délicat. D'accord ? Surtout quand il n'y a pas quoi, les terminaisons à la fin. Qu'est-ce qui va te permettre de comprendre ce dars-là ? C'est quoi ? Toi, tu sous-entends quoi ? La possession. C'est comme si tu disais quoi ? Le livre de Zayd. Le cartable de Mohammed. Et le sous-entendu ici, le plus souvent, c'est quoi ? Le lame. Inch'Allah, c'est clair. C'est... Non ? Non, Mohamed. Non, vraiment, c'est clair, clair. Hein? Et toi ? Abdelkarim ? Et toi ? C'est, voilà, deux. Ah ouais. Saber ? Il y a Aliflam devant la première, par exemple, le cartable de Mohamed. Non. Non, il ne faut pas parler d'Aliflam. Non, on ne parle pas d'Aliflam. Chaque fois qu'on rentre chez un autre frère, il y a un autre truc. Regardez bien les frères. Je répète une dernière fois. Inch'Allah. Je vous dis, Hada Kitabu Zaydin. Tout le monde entend, Inch'Allah ? Concentrez-vous. Hada Kitabu Zaydin. Hada Qalamu Muhammadin. Taïb, si toi par exemple, en tant que débutant, est-ce que tu penses que tu trouveras toujours le mondaf mondafilé ? Ce sera difficile, c'est vrai ou non ? Comme c'est une nouvelle leçon. Moi, je vous ai donné quoi ? Un sorte d'indice qui va vous permettre de quoi ? À partir de maintenant, Inch'Allah, de pouvoir former la terminaison du mondaf mondafilé. C'est quoi qui va vous aider à cela ? Quand tu vas lire, par exemple, devant toi, tu vas dire quoi ? Regardez ici. Si on reprend le texte. Hada kitabu hamidin. Imaginez-vous, il n'y avait rien d'écrit. Tout le monde a compris là ? Vous suivez ou non ? Hada kitabu hamidin. Là, si tu traduis, quel sens que tu vois ? Ceci est le livre de qui ? De Hamid. Vous avez bien compris ? On descend en dessous. Par exemple, on prend un autre truc. Aina daftaru ammarin. Qu'est-ce que ça voudrait dire ici ? Où est le quoi ? Le cahier de qui ? De Ammar. Regardez, toujours dit de. Vous avez compris ? La possession. C'est ça que ça veut dire après en français. Ils appellent ce dars-là l'annexion. C'est quoi ? Annexer, c'est joindre un mot à un autre. Vous avez compris ça ? On prend un autre exemple. Il a dit Aina daftaru ammarin. Il a dit quoi ? Huwa ala maktabi al-mudarrisi. Maktab, ça veut dire quoi, Abdel Hakim ? Bureau. Al-mudarris, ça veut dire quoi ? C'est toujours. Tu t'appelles Abdel Hakim ? Hein ? Taïb. Hein ? Le professeur. C'est le bureau de qui ça ? De tout le monde ? De qui ? Regarde, t'as dit du professeur. Voilà. C'est comme ça que ça va t'aider à trouver un modaf modafilé. Ça veut dire quoi ? Une appartenance. Le livre du professeur. Le bureau du professeur. Le stylo du professeur. La voiture du professeur. Vous avez bien compris ça ? C'est pour ça que moi je vous ai dit quoi ? Quand tu dis Hada kitabu Zaydin, Hada daftaru Muhammadin, il y a un sous-entendu qui est quoi ? L'âme. C'est comme si tu dis quoi ? Hada daftaru li Muhammadin. Hadi siyaratu li Muhammadin. Et ça, c'est le plus souvent. Vous avez compris ça maintenant ? C'est un possessif, ça. Ouais, voilà, ouais, c'est une annexion. Ça, c'est-à-dire, c'est une appartenance. C'est le livre d'une personne, le livre d'un professeur. T'as compris là, Abdel Hakim ? Mohamed ? Bien maintenant ? Taïf. Maintenant, quand je vous dis par exemple, Hada babu hadidin. Est-ce qu'il a le sens de l'âme ici ? Traduisez par exemple, Hada babu hadidin. Non. Est-ce qu'on va dire ceci, la porte du fer ? Non. C'est pour ça que je vous dis quoi ? Le plus souvent, il a un sens de quoi ? De l'âme, de possession. Là, on dira quoi ? Ceci est une porte en fer. C'est pas le même sens. Vous avez compris ? C'est un modaf, modafilé. Mais là, il a un sens de quoi ? De en. Bien compris maintenant ? Tout le monde a compris, Wahbi ? Taïb. Maintenant, on va rentrer dans la règle. Reprenez la page. le petit tableau, siyaratu al-mudarrisi. Et nous, on avait demandé d'écrire à côté, hadi siyaratu al-mudarrisi. Suivez avec. Il peut suivre avec toi comme ça. Moi, à la fin, on va écrire, Inch'Allah. Laissez. Taïb, hadi siyaratu al-mudarrisi. Tout le monde a compris maintenant quelle est la cause du kasra? On a dit c'était quoi? Al-mudaf. Taïb, Inch'Allah. Maintenant, on va se concentrer sur al-mudaf. Al-mudaf, il a une règle. La yakul ma'arifa. Vous avez compris? Également, il n'a pas quoi? Il n'a pas de tanwin. Non, je vais répéter, Inch'Allah. C'est-à-dire, al-mudaf, il ne prend pas de tanwin et également, il n'est pas ma'arifa. Tu ne veux pas écrire? Tu vas écrire à qui? J'écris là. Mais frère, je peux pas répéter sans arrêt. C'est mieux si vous pouvez enregistrer. C'est vrai. Parce que là, je dois charger mon pic. Kaïf, vas-y. Assiyaratu, fatal. Comment on sait quand, si on met un i ou soit in au mot d'affilé? Là, je vais te. Taïf, le frère après il demande. Et là, on va rentrer dans le mot d'affilé. Taïf, tu me rappelles la question. Al-Mudaf, on a dit quoi? Il est nakira. Taïf, c'est-à-dire, il prend pas d'alif ou al-lam. T'as compris ça? C'est quoi le mudaf? Il est devant toi, Allah. Depuis tout à l'heure, ça fait une demi-heure que je parle du mudaf. Non. Il est pas ma'arif, hein. Il prend pas tanwin. Non. T'as vu, Inch'Allah? Les frères, Allah, ils vérifient comme moi. Un, il y en a un là, un là. Ça fait une demi-heure que je parle du mudaf. Tu me demandes c'est quoi le mudaf? Ouais, mais en français. Laisse le français, Allah. Allah. طيب الله المستعان والله لي فرير ان يبارل سينون والله محمد moi je vais te demander de prendre un cours khas avec un frère. Non, ça c'est important. Là regarde, ça c'est le dernier avertissement que je te donne. Je te dis la vérité. Non, ça fait une demi-heure que je parle. Faut pas me faire couper le cours comme ça. Non non, c'est vrai. Tu me demandes c'est quoi le mudaf? Ça fait peut-être 3 quarts d'heure que je parle du mudaf. Soit tu fais exprès, ou si t'es pas bien, qu'Allah s'Allah yashfik, wallah. Taïb, on a dit quoi? Al-Mudaf, il est nakira, taïb. Également, il n'est pas toujours obligé d'être quoi? Marfou. Comme vous le voyez ici, il est quoi? Avec une dhamma. Hein? Mais pour pas que ça vous trompe. C'est pas obligé toujours que ce soit hadi siyaratu al-mudarrisi. On aurait bien pu dire par exemple nadartu ila siyarati al-mudarrisi. Vous avez bien compris ça? Ça mettez-le car ça pas au cas où si ça vous trompe. Il faudra pas toujours croire que al-mudaf il est toujours avec une damma. Le mudaf il peut avoir une fatha, il peut avoir une kasra. T'as vu, inchallah? Tout le monde a compris ça ce que je viens de dire? Car certains ils pouvaient penser quoi? Que le mudaf il est toujours obligé d'avoir quoi? Une damma. Non. Al-mudaf il peut être marfou, al-mudaf il peut être mansour, ou al-mudaf il peut être majrour. Et je vais vous donner un exemple de chaque, inshallah. Hadi siyaratu al-mudarrisi. Al-mudaf on a marfou, mansour ou majrour? Marfou. Marfou c'est la damma. Tout le monde y est? Ra'aytu siyarata al-mudarrisi. J'ai vu la voiture du professeur. Siyarata, il est quoi ici? Mef'ul bi. On va l'étudier, Inch'Allah, dans le 2. Il a une fatha. T'as? Et je dirais quoi? Nadartu ila siyarati al-mudarrisi. Ila siyarati. Vous avez bien vu ici, il y a une kasra. Et la cause du kasra ici, c'est quoi? Ila. Tout le monde a compris ça, Mohamed? C'est-à-dire, mudaf, il est toujours avec une damma? Il peut avoir une fatha? Il peut avoir une kasra? Très bien, barakallahu fik. Il peut être ma'arifa? On a dit quoi? Il était nakira. Tout le monde a compris? Tout le monde a compris les règles du mudaf là? Taïb. Maintenant on rentre dans le mudaf ilé. Taïb. Le frère tout à l'heure, Mohamed, il a posé une bonne question. Il a dit comment on va savoir que le mudaf ilé, il prendra qu'une kasra. Mais moi tout à l'heure, je vous ai dit quoi en début de cours? Le mudaf ilé peut être ma'arifa comme il pouvait être quoi? Nakira. Il n'y a pas de mal de dire quoi? Hadi siyaratu mudarrisin. En plus, attends que j'avais dit ça. Hadi siyaratu al-mudarrisi. Tout le monde y est là? Hein, vous avez compris la question du frère Mohamed ? Mohamed, il a demandé, c'est-à-dire le sens de sa question, est-ce qu'elle m'aura filé ? Il y aura toujours une kasra. Non. On peut trouver un mudafilé qui sera nakira également. Ça veut dire quoi? Indéfini. Si je vous dis par exemple, هذا قلم مدرسين. On sait c'est qui ce professeur? Non. Nous on est dans une. On est à la. Par exemple, on est à Damaj. On a trouvé un stylo de qui? D'un prof. هذا قلم مدرسين. Tout le monde y est? Mais si je vous aurais dit par exemple, هذا قلم المدرسي. Il est à qui? Il est au professeur que nous, on prend cours avec lui. T'as compris là, Mohamed? Oui. Wal mudafilé, est-ce qu'il peut être marfou, mansoub, majrour? Qui veut répondre? Vas-y, réponds, est-ce que t'as? Majrour. Très bien, hein? Il est majrour. Et la cause du majrour, c'est quoi, Wahbi? Al-mudaf. Tout le monde a compris? Et le mudaf et le mudafilé, ça fait qu'un seul mot. Me faut mal là? T'as compris tout ce qu'on dit là? Taïb. C'est-à-dire en quelque sorte, Al-Mudaf, c'est la chose qui sera ajoutée. Taïb. Au quoi? Au Mudafilé. Et en français, on avait dit qu'est-ce que ça voulait dire tout à l'heure. Hein? Si le frère il aurait suivi, on avait dit ça, c'était quoi comme leçon ça? La possession ou l'annexion, ils appellent ça. Taïb. Je vais voir si vous avez compris. Si je dis Hada Ghulamu Zaydin. Hada Ghulamu Zaydin. Ghulam, c'est-à-dire enfant. Taïb, il est où le modaf ici? C'est l'enfant. Ghulam, il modaf il est? Zaydin. Zaydin. Taïb, comment t'as su que le modaf il est c'était Zaydin? Mais également, là c'est en français, mais au niveau de l'Arabe. Zaydin, il est majrour. Et la cause de cette cas, c'est le modaf. Très bien. Maintenant, ici, si tu traduis, il a un sens de quoi? L'enfant de Zayd. Et c'est sous-entendu quoi? Ouais. Mais en arabe, ça ferait quoi? Hada ghulam li Zayd. Li Zayd, c'est-à-dire l'enfant de Zayd. C'est compris ça, Inch'Allah? Ça va, vous avez compris? Wahbi? Bien. Ayman? T'as compris, hein, Mohamed? Bien, bien. Taïb. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Comme ça, vous révisez bien le dars. Taïb. Et après, si c'est bien compris, demain, il n'y aura que de la lecture et après, on fera le reste de la leçon. Quelqu'un a une question avant de se quitter là? Ça va? Hein? C'est compris ou c'est pas? Ouais, ça va. Ça va? Et toi, Wahbi? C'est quoi la question? Comme je dis, le mudaf et le mudafilé, ils forment un seul mot. C'était comme un seul mot, c'est comme si tu avais joint un mot à un autre mot. C'est pour ça que ça fait le livre de Zayd. T'as compris? Mais le premier mot n'a rien à voir avec le deuxième. T'as compris ça? Et grammaticalement, est-ce qu'il y a un mot pour. Non, bien sûr, ça c'est le mudaf, mudafilé. Bah ouais. Inch'Allah, quand vous ferez l'analyse grammaticale, hada mubtada, wa kitab, tu diras par exemple. Tu diras mudaf ou par exemple kitab Allah et mudaf ilay et hada khabar, ça vous le verrez. Okay? Mais par rapport à tout à l'heure quand je dis hada babu khashabin ou hada babu hadidin, tu verras que al hadid al bab min al hadid, alors que Zayd n'est pas le ghulam, il n'est pas de Zayd. Okay? Ouais. Là on apprend l'exemple avec le simplement avec le mudaf avec le dam'a. Tu nous as dit que le mudaf il peut avoir une fatha, oui. Il peut avoir une kasra. Tous les exemples vont être avec eux. Voilà, tous les exemples. Moi, si je vous ai dit ça, pourquoi? C'est que vous comprenez que ça, c'est pas toujours cet exemple-là. Ce sera pas toujours une dame. Vous avez bien compris ça? Je peux dire quoi? Nazartu ila siyarati al-mudarrisi. Siyara ici, il est quoi? Il est mudaf. Nazartu ila siyarati al-mudarrisi. La cause du kasra ici de siyara, c'est quoi? C'est ila, c'est vrai ou non? Ça veut dire, tu diras quoi? Ila harf jar, wa siyara timada, majrour. Et en même temps, il est quoi? Il est mudaf. Et al mudar ici, il est quoi? être modafilé. C'est bien compris ça? Allez.